Amen. Une vie qui passe, tu es en train de vivre, mais pas d'histoire. On ne connaît pas ton nom, ni le nom de ta famille. On te pose la question, ton nom c'est qui? On cherche dans l'histoire, il n'y a pas de référence. Mais une histoire, c'est un événement qui reste dans la mémoire. Bien-aimé, je prie pour toi ce soir que ton histoire puisse rester comme un événement que les gens ne vont pas oublier. Ils vont garder en eux pour dire, il y a tel qui est passé sur la terre. Il y a tel qui est passé à Likasi. Il y a tel qui a été au Congo, RDC. Il y a tel qui a été dans le monde. Il a laissé une histoire. Bien-aimé, ça, c'est la première définition de l'histoire. Tu as une histoire à bâtir avec Dieu. La deuxième définition dit quoi? Ce sont des faits. L'ensemble des événements qui ont eu lieu et auront lieu dans le monde entier. Donc l'histoire, ce n'est pas seulement dans le passé, j'ai compris. L'ensemble d'événements qui ont eu lieu et qui auront lieu. Donc ça veut dire quoi? C'est dans ce qui est passé. Il n'y a pas eu ton histoire. Il y a moyen que tu bâtisses aussi ton histoire dans les événements qui vont venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans le futur, dans l'avenir, c'est comme ça on parle de l'espérance. On parle de l'espérance, des choses qui vont venir. Bien-aimé, il y a des choses que tu vas bâtir. Il y a des choses que tu vas écrire pour les jours qui viennent. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Amen. Amen. Je vais parler de quatre points de l'histoire. Quatre points. Le premier point, il ne faut pas subir l'histoire. Il ne faut pas subir l'histoire. J'aimerais qu'on nous affiche le verset premier du chapitre 6 que nous avons lu. Ne subissons pas l'histoire. La Bible dit, les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé, il y a des moments dans la vie ou bien des circonstances que nous traversons. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont fait des choses et que nous aujourd'hui nous devons subir. Vous et moi posons-nous la question. Au moment où les Israélites avaient fait des choses qui ont déplu à l'Éternel, est-ce que Gédéon était là? Alléluia. Amen. Au moment où Israël a été livré à Madian. Est-ce que Gédéon était là? Mais Gédéon, venu d'une famille qui a été frappé dans le temps, subissait le même sort. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas subir l'histoire. Ceux qui ont commis les péchés, c'est les autres. Et ceux qui doivent payer, ce sont les autres. Non. Non. Bien-aimé. Non. Ne subissons pas l'histoire. Ils ont fait des choses. Et Dieu les livre. Mais toi, tu ne dois pas être livré comme eux. Toi, tu dois bâtir une autre histoire. C'est pour cela que nous allons voir. Dans le verset 14, Dieu parle à Gédéon. Ici, on parle de livrer. Remettez le premier verset. Ici on dit l'Éternel les livra. Ils étaient livrés. C'est-à-dire ils étaient sous l'emprise de Madian. Ils avaient besoin d'être délivrés. C'est-à-dire le contraire du verbe livrer. Il fallait qu'on puisse délivrer. C'est-à-dire quand je livre quelqu'un à Junon, il faut qu'on vienne les délivrer de Junon. Ici l'Éternel les a livrés à Madian. Mais regardez au verset 14. Quand Dieu parle à Gédéon, il lui dit, délivre Israël de la main de Madian. Bien aimé, ton histoire, ce n'est pas de rester livré, mais ton histoire, c'est de délivrer. Là où les choses étaient contraires, bien aimé, ton histoire, c'est de montrer le contraire. Il ne faut pas dire, ça a toujours été ainsi. Non. Pana. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça doit être. Parce que nos parents, tu vois, ils ont vécu comme ça. Bien aimé, les parents ont vécu comme ça. Au travail, c'est comme ça. Mais si c'est toi, ce n'est pas comme ça. Toi, tu dois bâtir une autre histoire. Bien aimé, j'ai compris une chose. Les gens qui sont en dans l'histoire, ce sont ces gens-là qui se sont opposés aux choses ordinaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui se sont opposés aux choses ordinaires. Tu vis dans une famille normale. Je prends l'exemple de Moïse. Qui est le fils de la sœur de Pharaon. Tu as tous les avantages possibles. Mais un jour, il ne pouvait pas devenir Pharaon. Il ne pouvait pas devenir Pharaon. Alors, pour faire ce qu'il devait faire, il devait sortir de cette maison luxueuse, de cet état-là de vie, pour aller dans la brousse, bien aimé dans le Seigneur, pour bâtir l'histoire. Ce n'est pas facile. Alléluia. Pour bâtir l'histoire, ce n'est pas facile. On te parle de Madian qui ravage, qui tue. Mais on te dit c'est toi qui va délivrer Israël. Je dis à quelqu'un ce soir, c'est toi qui va délivrer ta famille. Je te rassure, c'est toi qui va délivrer ton clan. Peut-être on n'a pas cité le nom de ta famille, mais on citera le nom de ta famille par toi. On connaîtra d'où tu viens par toi. On posera la question de qui est-il fils. On cherchera tes références. On va se poser des questions. D'où vient-il? Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire à changer. Bien-aimé, la première des choses que j'aimerais te parler ce soir, c'est de ne pas subir l'histoire. Notre vie n'est pas à subir l'histoire. Alléluia. Amen. Si Joseph avait accepté de rester à côté de ses frères, toute Israël devait mourir de la famine. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas facile. Mais c'est le chemin que nous devons adopter. Ne subissons pas l'histoire. Chacun a son histoire. Toi aussi, qui m'entends ce soir, tu as aussi ton histoire que tu dois écrire avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gédéon, la deuxième des choses que j'aimerais que nous puissions partager encore ce soir, c'est que il ne faut pas subir l'histoire, ce qu'on a vu. Il ne faut pas rester à ce niveau-là. Mais il faut aussi écrire maintenant ton histoire. Ça dit, je refuse l'histoire ancestrale. Je refuse l'ancienne histoire. Mais je commence à bâtir aussi mon histoire. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai besoin que tu regardes un peu celui qui est à tes côtés. Qu'il soit à gauche ou à droite, regarde-le bien. Regarde les souris un peu. Tazama kidogo na kicheko midomoni. Celui que tu vois là, ule kunaona pembeni yako, il a son histoire. Naye kuna hadithi yake. Et toi aussi tu as ton histoire. Nawe pia kuna hadithi yako. Vous n'avez pas de même histoire. Mna na hadithi moja moja. Chacun a son histoire. Kila mmoja wetu ana hadithi yake. Alléluia. Amen. Si quelqu'un bâtit son histoire dans le commerce, l'autre bâtit son histoire dans le ministère, l'autre bâtit son histoire dans le travail, chacun a son histoire. Quand nous regardons l'histoire de Moïse, Moïse, son histoire c'était de libérer le peuple. Mais quand nous regardons l'histoire de Josué, l'histoire de Josué c'était quoi? C'était de faire entrer le peuple à Canaan. Et l'histoire de Moïse et celui de Josué, ils ne sont pas les mêmes. Josué ne pouvait pas commencer avant Moïse. Il fallait que Josué attende Moïse pour qu'il fasse entrer le peuple à Canaan. Donc chacun de nous a une histoire à bâtir avec le Seigneur. C'est-à-dire quand tu avances avec Dieu, ne regarde pas lui il est comment. Non, est-ce que je peux être comme lui? Non, lui il bâtit son histoire. Mais toi aussi tu dois écrire ton histoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bâtis ton histoire bien-aimé. Ne regarde pas ton voisin. Il a son histoire. Il a sa destinée. bâti ton histoire. Ne reste pas observateur. Vous savez, quand Gédéon prenait le froment pour aller battre le froment, il y avait plusieurs jeunes en Israël. Il y avait beaucoup de jeunes en Israël et qui voyaient comment il allait battre. Alors Dieu, par sa grâce, il a vu que ce monsieur, bien qu'il y a l'oppression, il peut sortir des cachettes pour aller battre le froment. Or, Gédéon ne savait pas qu'en allant battre le froment, il était en train d'aménager son histoire. Alléluia. Amen. Les faibles commencements là, ne les néglige pas. Il allait battre le froment. Et c'est là que Dieu le découvre. Il dit, c'est toi qui va délivrer ceux qui sont livrés. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des gens peut-être dans nos familles qui attendent que nous venions leur parler de Jésus pour qu'ils viennent au Seigneur. Il y a des gens dans nos quartiers qui n'attendent que nous. Bien-aimés dans le Seigneur, tu dois commencer par quelque chose. J'ai compris une chose. J'étais en train de suivre un homme de Dieu. J'ai dit ce qu'il disait et c'était correct. Il dit, si un véhicule est stationné, est-ce qu'on peut le diriger à gauche ou bien à droite? Il faut que ce véhicule commence le mouvement. C'est à ce moment-là que tu peux tourner le volant à gauche ou bien à droite. Ça veut dire, il faut faire un mouvement pour commencer ton histoire. Il faut commencer quelque part. Et c'est là que Dieu va prendre et continuer avec toi. Mais quand tu es stationné, je me dis, Gédéon pouvait être aussi dans les cavernes en train de dormir. Dieu allait apparaître dans le sommeil. Gédéon, lève-toi, va libérer Israël. Non. Bien-aimé, tu as ton histoire à écrire. Si eux ont écrit une histoire mauvaise, toi, tu vas écrire une bonne histoire. Tu seras une référence à l'histoire. On dira à l'époque de... Alléluia. Amen. À l'époque de Déborah, il y a eu. À l'époque de Samson, à l'époque de David, parce que Sabah, ils ont bâti une histoire. Alléluia. Amen. Mais David dont on parle, qui a bâti une histoire avec l'Éternel, il a commencé seul en brousse devant les sources et les lions. Et vous savez, David n'a pas quitté du coup de la brousse directement, il est devenu roi. Il y a toujours un processus. David s'est retrouvé déjà dans la maison du roi sans être roi. C'est ça l'intelligence de Dieu. Il l'amène là-bas pour qu'ils comprennent comment ça marche. Comment le roi fait? David était là, mais il n'était pas roi. Mais il avait tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois bâtir une histoire. Que personne ne te trompe. Au nom, tu vois l'oncle là. L'oncle a son histoire. Oh, mon grand frère. Il travaille à KCC. Mon grand frère a une histoire. Mais toi aussi. Tu dois écrire une histoire. Ici à Source Féconde. Il faut que tu écrives une histoire. Qu'on dise à l'époque et éloge. Ça arrivera. Il faut bâtir une histoire. Bien aimé, tu dois bâtir une histoire. Et réécrire ton histoire avec Dieu. Ce n'est pas bon. Tu vois, à l'époque là des juniors, nous aussi on était là. Mais pourquoi tu dis, il faut dire à notre époque. Mais non, tu vois à l'époque des juniors. Non, c'est l'époque des juniors. Donc, c'est junior qui a fait l'histoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons une histoire à écrire avec notre Dieu. Regardez dans Hébreux. Dans Hébreux, on nous affiche Hébreux chapitre 11. Gédéon est passé, on l'a enterré. Gédéon il est mort. Quand j'ai lu l'histoire de Gédéon, j'ai tenu la tête. Il a eu environ 70 enfants. Et puis il est mort. Qui s'est fariki? Mais regardez. Tazamenisa. Hébreux chapitre 11. Hébreux sur la verset 32. Le verset 32. Regardez. Que dirais-je encore? Tu sais maintenant nini? Le temps me manquerait en effet pour parler. Il y a quatre de l'écosse au quoi pas de Goussema. De Gédéon. Ousu Gédéon. On parlera de toi. Si tu écris une histoire. Gédéon a écrit son histoire. Gédéon il a indiqué dit siaque. Et quelques. Siècles après, on écrit pour dire qu'est-ce que nous dirons encore pour parler de Gédéon, de Barak, Baraki, de Samson, na Samsoni, de Jephthé, na Yefute, de David, na Daoudi, de Samuel, na Samueli, et des prophètes. Na prophète ngine mbali mbali. Bien aimé. Il arrivera aussi un jour où on parlera de toi. Il arrivera un moment où on citera aussi toi. Mais c'est là, c'est quand tu vas écrire une histoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis ceci, l'histoire de ton voisin, c'est son histoire. Mais toi, tu as une histoire à écrire avec le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. La troisième des choses, nous devons comprendre que Dieu, yakama Mungu, c'est Dieu, yeye Mungu, c'est Dieu, eko Mungu, qui fait le choix, yeko na chakua, de l'acteur, ya mutendaji, et de l'histoire de l'acteur. Nakusu adisi ya ule mutendaji. Alléluia. Amen. Sinon, kama pana, Moïse pouvait faire la même chose que Josué. Musa angeliweza kufanya jambo moja moja pamoja na Joshua. Mais Dieu lakini Mungu a spécifié aliweka umbali mbali pour dire que na kusema hivi, l'histoire de Moïse adisi ya Musa, c'est de sortir le peuple de l'Égypte. Ndio taifa ya Israeli butumwa. Bien aimé. Pendwa. Il y a certaines circonstances de la vie qui ne demanderont que toi itaomba paka uwepo wako pour sortir de cette situation. Ili utoshe bitu mwili hali. Alléluia. Amen. Je dis ici nasema tena hapa, que peut-être ta famille nasema ringine jamana yako, n'attend que toi, ikuna kongojea paka wewe, n'attend que ta prière ikuna à toi paka maombi yako, pour qu'elle soit délivrée ili jamana yoko de lewe la captivité où elle se trouve. Itoka mumutuma mule iko. Peut-être ta famille jamana yako, n'attend que toi ikuna kongojea paka wewe, quand toi tu auras les moyens, tu auras ce cœur-là d'aider les autres membres de ta famille. Il y a des gens, il y a des gens, même s'il est millionnaire, mais son argent. Papa nous a parlé, il nous a donné un exemple. Il y a des gens qui peuvent être millionnaires. Il y a beaucoup d'argent. Mais où il y a des gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le cœur l'a aidé. Il est même le neveu. C'est un problème. Il y a des gens comme ça que Dieu attend pour écrire avec eux une histoire. Alléluia. Amen. Alors il y aura ceux qui seront importants pour prier. Il y aura ceux qui seront importants dans le moyen. Il y a ceux-là qui seront importants dans les conseils. Donc, chacun a une histoire à écrire. Et l'acteur ou bien l'action, c'est Dieu lui-même qui choisit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le président Obama, quand il naissait, il n'avait jamais imaginé qu'un jour il sera président des États-Unis. C'est comme toi aujourd'hui, tu es assis. Tu ne t'étonnes pas, tu ne sais pas que ce que tu seras demain. Mais ce que tu seras demain dépend de ce que tu vas commencer à faire aujourd'hui. C'est l'histoire qu'on écrit. Mais ce n'est pas d'autres personnes qui peuvent écrire ton histoire. C'est l'homme qui écrit son histoire. Jésus-Christ est arrivé à son moment. Il y avait beaucoup. Mais ce temps, c'est Jésus. Alléluia. Amen. J'ai entendu un président d'un certain état qui disait, si j'avais besoin d'une rencontre avec quelqu'un d'important, ce serait Jésus-Christ. Or, c'est connu que c'est un sataniste. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus a une histoire. C'est pour cela que toi et moi nous sommes en ces lieux. Et toi aussi, tu as aussi ces gènes-là d'écrire une histoire. Une histoire pour toi. Alléluia. Amen. On te citera comme Gédéon, comme Samson, comme les autres, parce que tu auras écrit une histoire avec Dieu. Une chose aussi que je voulais rajouter pour finir, l'histoire n'est pas écrite en groupe. Alléluia. Amen. On n'écrit pas l'histoire en groupe. On n'écrit pas l'histoire en groupe. Mais j'ai fouillé un peu dans la Bible pour voir des endroits où on parle des choses en groupe. C'est compliqué. Vous allez trouver qu'il y a des particularités. Je suis allé dans l'histoire de Meshach, Shadrach, Abednego. Vous allez comprendre que Daniel avait une suprématie, il avait une particularité. Donc il y a toujours une différence. Chacun a une histoire. Alléluia. Amen. Joseph, Yusuf, sa particularité c'était les rêves. Né parmi beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Mais vous allez voir que les aînés là, elle était dans les combats, elle tapait les gens et tout ça. Mais Joseph, Lakini Yusufu. Lui c'était le songe point. Yeye ilikuwa ni mambo ya kulota mandoto kunaishia pale. Et quand il te parle de songe. Na kama nakwambia mambo kuhusu ndoto. Ce sont les songes qui l'ont amené dans la cour. Mandoto ndio ilimfikisha kulupango ya mfalme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as une histoire. Na wewe kuna hadithi yako. À bâtir avec le Seigneur. Ndio tulijengea pamoja na Bwana. Amen. Amen. Bien-aimé. Pendo wangu. Dieu. Oyo Mungu. Livre Israël à Anatoa Israël kwa mikono ya Madian. Dieu, je me suis posé la question, Dieu pouvait délivrer Israël de Midian. Juliza kama Mungu shaliweza kuokoa Israël mikono ya Madian. Pourquoi il veut passer par un homme? Kwa nini alipenda apitie kwa mtu moyo fulani? C'est Dieu, c'est lui clair. Remettez-nous le verset premier. C'est lui et c'est clair, c'est Dieu. Lisoma na iko wazi wazi kabisa. Livre Israël. Yeye Mungu alitoa Israël. Amadian. Kwa mikono ya Amadian. Il pouvait dire. Angeweza kusema hivi. En tout cas, je délivre Israël de Madian. Basi mimi naokoa Israël mikono ya Amadian. Les Israélites firent ce que déplaît à l'Éternel et l'Éternel. Waisraeli balifanya bila kumpendeza Mungu na wa milele. Il livra entre les mains. Aliwatoa katika mikono. Au verset 14. Kwenye Shaeli ya 14. Ce n'est pas Dieu. Haina Mungu. Mais il dit. Lakini anasema. C'est moi. Ni mimi. Qui t'ordonne. Ndio mimi nakuruhusu. Il donne le pouvoir. Analeta uwezo. À l'homme. Kwa mtu. Il lui dit. Anamwambia. Va délivrer. Kwenda uokoe. Bien-aimé. Wapendwa. Ce qu'a fait Jésus. Ile Yesu aliweza kufanya. Toi aussi tu peux le faire. Na wewe unaweza kuifanya. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Ça veut dire, mana yake, nous sommes arrivés au temps tunafika wakati moya, où Dieu ule Mungu, utilise les hommes anza kutumia sasa watu, pour faire de grandes choses. Ili bafanye yako mambo makubwa. Et Dieu na ye Mungu, va aussi t'utiliser ata kutumia pia, pour faire de grandes ili choses. Ufanye mambo est-ce makubwa? Que tu peux acclamer pour le Seigneur? Makofi kwa ajili ya Bwana. De la même façon ivo, ivo tena, que Jésus-Christ a ressuscité les hommes. Kufufua wafu. Toi aussi, na we pia, tu as le pouvoir. Uko na uwezo. Va avec cette force. Wende na ile nguvu na nayo. N'est-ce pas moi? Haina mimi. Qui t'envoie? Na kutuma. Bien-aimé, tu as l'assurance de Dieu. Akikiso tu as la garantie de Dieu. Unakuwa na lengo ya Mungu. Écris l'histoire. Usiandika hadithi yako. Avec lui. Pamoja naye. Fais ce qu'il te demande. Fanya ile anakuambia kufanya. Écris l'histoire. Na andika basi hadithi yako. Dieu a une histoire. Mungu anakuwa na hadithi yake. Dieu a regardé Israël. Mungu aliangalia Israeli. Il a dit. Alisema. Maintenant. Sasa hivi. Je prends un homme. Nachukua mtu moyo fulani. Il va délivrer tout un peuple. Yeye atakokoa sasa. De la même façon. Ivo ivo tena. Ta famille. Jamala yako. Est dans des problèmes. Iko ndani ya matatizo. Dieu se décide. Mungu anakamata mpango. De t'utiliser toi. Kutumia paka wewe. Pour délivrer ta famille. Ili okoe jamala yako. De la même façon. Ivo ivo tena. À ton travail. Kazi yako. Il y a des équations difficiles à résoudre. Kuna vitu na aina na jibu. Dieu se décide. Mungu anakamata mpango. De t'utiliser c'est toi pour résoudre ces équations. Bien aimé, la société est dans des problèmes. Dieu a besoin de gens pour écrire son histoire. Et Dieu ne va pas écrire l'histoire comme ça. Dieu cherche des hommes pour écrire l'histoire. Et Dieu te cherche de là où tu es pour écrire l'histoire. Pour écrire l'histoire. Pour écrire l'histoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a fallu un Joseph. Pour sauver son peuple de la famille. Il a fallu un Moïse. Pour sortir un peuple de la captivité. Il a fallu un Josué. Pour asseoir le peuple dans un pays. De la même façon. Il a fallu toi aussi. Pour résoudre cette situation de ta famille. Pour résoudre cette situation du Congo. il a fallu toi. C'est pour cela que Dieu te veut toi. Pour résoudre le problème de l'Ikasi, Dieu a besoin de toi. Pour résoudre le problème du quartier où tu es. C'est pour cela que tu es là. Dieu a besoin de toi. Il a fallu ce son pour bâtir l'histoire avec Dieu. Et toi aussi ce soir, Dieu a besoin de toi pour bâtir son histoire sur cette terre. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier le Seigneur ce soir. Est-ce que tu peux encore bien acclamer le Seigneur? Nous avons trois intentions de prière. La première prière, elle est comme ceci. Tu connais ce qui règne dans ta famille. Tu connais les causes de ce qui règne dans ton quartier, dans cette ville, dans ce pays. Tu connais les causes du malheur ou des problèmes que nous avons connus. Tu connais les causes des problèmes de cette église. Alors bien aimé, tu vas dire à Dieu: Seigneur, je ne veux pas subir, je ne suis pas là pour subir. Éternel, je ne suis pas là pour subir. Les gens ont subi trop, c'est trop. Israël était livré. Israël est toléwa. Ma famille a été livrée. Jamala est toléwa. Les gens ont parlé. Ils ont fait des cérémonies. Ils ont scellé. Mais tu vas dire: Seigneur, moi, Mimi, je ne veux pas subir. Misipende ni lipe. Je ne veux pas subir. Misipende ni tishwe. Leur histoire. Adisi yao. Je vais bâtir mon histoire. Mimi, mwenyewe adisi yangu. Je ne veux pas subir leur histoire. Misipende ni tishwe. Juu adisi yao. Je vais bâtir mon histoire misipende avec yangu. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Bien-aimé, n'accepte pas de subir l'histoire des ancêtres, l'histoire de ta famille, l'histoire de tes ancêtres, l'histoire de ses anciens. Ils étaient anciens. Il y a eu des décisions, mais toi, tu dois refuser de subir dans le nom de Jésus. J'ai une histoire à écrire. Seigneur, je refuse de subir l'histoire du passé. Le passé, le passé est passé, mais je sais qu'il y a une espérance d'une nouvelle histoire avec le Seigneur, d'une nouvelle histoire avec toi Dieu, d'une nouvelle histoire avec toi Père, d'une nouvelle histoire avec toi Père. Bien-aimé, écoute. On donne une promotion. Mais on dit, ça ne marche pas. Il faut attendre. C'est toujours comme ça. On va voir. Non. Dans l'histoire de cette famille, entre 40 ans et 50 ans, il y a toujours des morts, des gens de cet âge-là. Ça, c'est l'histoire. Bien-aimé, tu dois refuser ces histoires. Tu dois refuser. Si dans le temps, les gens ont fait des pactes, ils ont décidé ainsi. Nous, nous sommes de la race de Gédéon. Nous n'allons pas subir, mais nous allons délivrer toute la famille. Nous allons délivrer tout un peuple. Bien aimé, tu as cette force, tu as cette capacité en toi d'agir ainsi. À cet âge, les filles ne prennent pas de mariage. Le travail dans cette famille-là, c'est compliqué. Ce que je sais, Israël avait un passé. Mais avec Gédéon, il y a une nouvelle histoire qui a commencé. Mais j'ai besoin que tu pries maintenant. Que le passé est passé. Maintenant, Seigneur, je commence une histoire avec toi. Seigneur, le passé, ils étaient en captivité. Mais cette fois-ci, les gens seront délivrés. Dans le passé, les gens pouvaient mourir, mais cette fois-ci, c'est la vie. Les gens pouvaient tomber malades. Il y a des maladies héréditaires qui reviennent chaque année. Nous refusons cela. C'est le passé. Israël avait un passé, mais Israël avait aussi un futur avec Gédéon. Tu vas dire, Seigneur, il y a aussi un futur avec moi. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier. Seigneur, il y a un futur. Yahweh, il y a un futur. Il y a un futur. Yahweh, il y a un futur. Il y a un futur. Il y a un futur. Il y a une histoire. L'histoire, ce n'est pas seulement le passé, mais celle qui va venir. L'histoire d'une personne, ce n'est pas seulement le passé, mais c'est même son avenir qui doit faire partie intégrante de son histoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'ai une histoire, j'ai une histoire, j'ai une histoire, j'ai une histoire à écrire. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. J'ai une histoire. Est-ce que tu peux encore mieux le faire? J'ai une histoire. Avec l'Éternel. J'ai une histoire. Avec l'Éternel. Alors confesse-le comment ça prie. J'ai une histoire avec l'Éternel. Dans ce pays, dans cette ville, dans cette province, j'ai une histoire. Dans ma famille, dans cette église, j'ai une histoire, Père. Ce n'est pas le passé, mais Seigneur, j'ai une histoire à bâtir avec toi. Yahweh, j'ai une histoire à bâtir avec toi. Oh Seigneur, je ne suis pas spectateur sur la terre. Mais je suis l'acteur de mon histoire. Alléluia. Bien-aimé, pour finir, nous allons dire ceci. Je ne suis pas spectateur, mais je suis acteur de mon histoire. Il n'y a personne d'autre qui viendra faire l'acteur dans mon histoire. Donc moi-même, je suis acteur de mon histoire. Je ne suis pas spectateur. Je ne suis pas venu accompagner des gens, mais je suis acteur dans mon histoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas spectateur, mais tu es acteur dans ton histoire, propre histoire. Alors tu vas prier. Continue à prier. Élève la voix, commence à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, éternel Dieu de sainteté. Nous avons une histoire avec toi, ô Adama du Tout-Puissant. Merci parce que tu vas nous aider à écrire cette histoire. Sois glorifié, sois béni. De la même façon que tu as appelé Gédéon, éternel Dieu de sainteté, nous croyons avec assurance éternelle que nous allons écrire chacun de nous une histoire. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Pour le siècle de siècle, nous prions avec action de grâce, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut fortement acclamer l'Éternel? Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Est-ce que vous pouvez vous lever? Pendant que la chorale nous propose un cantique, nous déposons nos offrandes dans les paniers. une minute, nous prions pour les offrandes. Bariki Adaka, où il est maître mon mikono ya Mungu, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ces offrandes, daigne les sanctifier, les purifier, et bénis toute main qui a pu donner cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous passons au communiqué. Demain, jeudi, à partir de 15h, toutes les mamans sont attendues en cellule. Ma maman m'a beauté, ma bachunga, à partir de 15h, qui est chaud. Na sa 15h.